Bienvenue à Crépidule, un podcast qui porte une voix féministe à l'oreille publique. Je m'appelle Lynn. Je m'appelle Alessandra. Et pour lancer notre série, dans ce premier épisode enregistré dans la cuisine de Lynn, nous discutons de nos éveils féministes respectifs. C'est parti. Salut Lynn. Salut Alessandra. Et on va un petit peu dérouler nos naissances féministes. Exact. La prise. Car tu es féministe ? Oui. Oui ? Et toi aussi ? Oui. Génial. Sommes-nous du même féminisme ? Ah, ça ? Pas sûr. Quoique. Ouais. Ouais, je pense quand même. Parce qu'on se fréquente depuis un petit moment, je crois. Ouais. On a un peu des... Combien de temps ? 3 ans ? Au moins, ouais, 3 ou 4. Je pense qu'on entre sur notre 4e. Oh. Bon, on s'est connus où ? Alors, on s'est connus en master en études genre à l'université de Genève. De Genève. Tu peux dire que c'était notre alma mater, non ? J'adore cette expression. J'aimerais pouvoir la placer plus souvent. Il faudra encore quelques années. Bah là, c'était une sacrée mère nourricière, cette formation. T'avais fait quoi, toi, avant ? Histoire de l'art et histoire des religions en bachelor. Et j'avais pris des cours d'études genre. Ah, donc tout en... Ouais, j'avais déjà une petite introduction, mais plus littéraire. Quand même, nous, ce qu'on a fait, c'était plus histoire et sociologie, après. Mais c'est par le programme de la faculté de lettres que t'as entendu parler de ces études-là ? Ouais, en tout cas du master, ouais. Mais je pense qu'en fait, ces cours-là m'ont donné envie de continuer et de savoir plus. Et tu pensais faire quoi avec cette formation? c'est la question qu'on se reçoit, mais tout le temps. Mais tu vas faire quoi au juste avec mais ça? Mais on peut faire quoi après? Tu peux faire prof. Ah ouais, bien. T'es un master, quoi. Ouais. Ouais. Tu vas faire quoi quand tu seras grande? À la question, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce que tu deviens avec ce master? Je pense que je disais une méga féministe. Ça, souvent, ça clôt le débat. Les gens, ils ont plus envie de se voir. Trop d'informations qui me dérangent. Ok, merci. C'est pas génial, hein? Comment? T'avais pas un plan de carrière bien défini depuis tes 15 ans et demi? Non, malheureusement, je crois que j'en ai toujours pas. Bon, maintenant, on se lance dans l'industrie du pod. Mais c'est ça. C'est génial. Parce que t'as quel âge, au juste? 27. 28 dans... Attention. Dans peu. Dans peu. On est quoi aujourd'hui, le 13? 13 septembre. Et moi, c'est le 25. Même pas 2 semaines. J'adore mon anniversaire. Parce qu'on me dit qu'on t'aime. Ouais, on me donne des cadeaux, c'est surtout ça que j'aime. Et puis en plus, je serai à Lisbonne pour le Queer Lisboa Festival, qui est un festival de films queer qui a, je crois, déjà 20 ans, quelque chose comme ça. Oh, ouais. Wow. Je crois que c'est peut-être même le plus ancien d'Europe. Oh, dis donc. Ouais. De ce terme qui émerge maintenant partout, ouais. Il était déjà là il y a 20 ans. Bon, après, à savoir, enfin, je sais pas si le nom, c'était... Tu dois te renseigner. Ouais, ça, je vais devoir me renseigner. Comment c'était nommé la première fois? C'est intéressant, ça. Ouais. Je note. Bon, moi... Alessandra, tu dois me poser des questions aussi. Qu'est-ce que je vais te poser comme question? Bon, le féminisme. D'où ça t'est venu, cette folle idée? Mais en fait, cette folle idée, je crois qu'elle a pris ce terme, ce nom de féminisme, effectivement pendant la formation. Parce qu'il est assez grandement absent, on peut le dire, de ce qu'on a reçu comme enseignement, comme réflexion. Ouais. C'est presque un peu tabou comme ça. Je pense que c'est compréhensible aussi dans le contexte académique, où historiquement c'était les études femmes. Puis après, ça s'est déroulé vers les études de genre qui, du coup, étaient plus sensibles au rapport homme-femme et pas de cibler la question féminine comme si on avait qu'une. Mais parce que toi, t'as fait quoi comme formation pour nos chers auditeurs et auditrices? Bon, alors moi, j'ai pas le même âge, j'ai 44 ans. C'est déjà fini, c'était au mois d'août. J'ai déjà eu mes cadeaux. Pas de ta part. Pas de ta part, parce que J'ai oublié ton anniversaire. Oui, cette année tu l'as oublié, voilà. Ça, bon, j'oublie souvent les anniversaires, sauf le mien. C'est déjà bien. Et celui de ma maman, parce que sinon elle m'engueule trop. Ah. Et ben moi, du coup, depuis que je suis maman, je me dis qu'en fait nos anniversaires, c'est une vachement grande pensée à nos mamans. Ouais. Qui nous ont mis au monde ce jour-là. Ça, c'est vrai, ça. Mmh. Ouais. J'ai vu. Moi, je suis pas super fan, mais quand même parfois assez drôle. Je sais pas si tu regardes John Oliver. C'est ce. Ce vulgarisateur là, dont tu m'as envoyé. Ouais, enfin, vulgarisateur, il fait un late show, tu sais, un peu, c'est un peu satirique. Enfin, c'est un show sur HBO américain. Et du coup, il traite un peu de l'actualité de manière ludique et. Ouais, vulgarisé, disons. Mm-hmm. Et puis là, je traînais devant YouTube, qu'on a dit juste avant que c'était notre meilleur ennemi et notre pire ennemi. Notre pire ami et notre meilleur ennemi, peut-être c'est ça. C'est ça. Et en fait, bref, il y a cette fête Labor Day aux États-Unis, que j'imagine que c'est la fête du travail. Ben oui. Mais en fait, labor, c'est aussi accoucher. Puis du coup, il faisait une petite blague. En disant que Labor Day, ça pourrait être aussi, tu vois... La fête des sœurs qui ont accouché. Ouais, c'est un putain de labor. Ouais. Enfin bref, pardon, voilà. On revient à ta formation. Allez. Donc j'ai fait une première vie dans le travail social, comme assistante sociale. Après j'ai eu une autre vie comme maman au foyer. Et ça, c'est pas féministe, hein. Pourquoi ? Bah typiquement, tu vois, ça c'est des enjeux... dans des injonctions, on discutait l'autre jour d'être une bonne ou une mauvaise féministe. Ouais. Et j'ai l'impression que d'avoir fait ce choix me situe plutôt du côté de la fausse féministe. Fausse. Et en fait, d'ailleurs, je ne saurais pas que donner comme avis si on me posait la question « Faut-il arrêter de travailler quand tu as des enfants ou pas ?» Là, maintenant, je dirais un peu, faut pas arrêter. Mm-hmm. Parce que dans la société dans laquelle on vit, c'est pas très reconnu, en fait, ce choix-là. Et puis, c'est vraiment compliqué de réembrancher sur un parcours professionnel. Et parce que tu as développé toutes sortes de compétences qui, à mon avis, sont vraiment tout à fait légitimes, existantes et tout. Mais comment tu les reconnais, comment tu les valorises. Mais donc, j'ai fait ce choix parce que... Ben, j'avais pas envie de mettre mes enfants tout de suite à la crèche, etc. Et c'est vrai qu'on se disait l'autre jour avec mon conjoint qu'en fait, si c'était à refaire, peut-être on répartirait de manière plus mixée les deux, c'est-à-dire d'avoir les deux des temps partiels et puis de plus mélanger. Mais parce qu'à l'époque, il y avait un enjeu financier ou bien il y avait... Il y avait un enjeu de confort dans le sens où moi, j'étais pas super fanat de mon boulot. J'y croyais plus trop, même si j'ai pas travaillé longtemps. Et puis, mon compagnon était dans un job plutôt agréable, avec des horaires flexibles. Il touchait plus de salaire que moi. donc voilà, l'un dans l'autre, on a un peu fait comme ça. Mais voilà, ça sert à rien de revisiter, mais voilà. Et en même temps, bah, du coup, je pense que si ce terme de féministe, je me le suis vraiment approprié pendant la formation, je pense que j'ai toujours... C'est des questions qui m'ont toujours portée, en fait. Rien que dans l'histoire familiale, de voir la place des femmes, leur vie, qu'est-ce qu'elles ont eu à payer comme prix ou pas. Ça, c'était quand même des discussions qui étaient assez vives avec ma mère. Mais du coup, tu dirais que toi, tu t'es pas définie féministe avant, il y a peut-être 3 ans. Oui, de vraiment l'assumer et dire non, mais en fait, parce qu'il y avait ce truc que j'ai déjà entendu ailleurs, dire oui, non, mais je suis pas féministe, je suis humaniste. tu vois, puis en fait, c'est un peu bullshit quand même. Bon, c'est un mot qui fait peur aussi, encore aujourd'hui. Oui. Beaucoup. Et je me souviens d'un... Parce qu'avant ma formation, j'avais fait un atelier drag king où l'idée, c'est de s'habiller, de se mettre une fausse bite en préservatif rempli de coton et puis d'essayer de voir comment on bouge différemment. C'est assez physique comme ça. De dire, j'ai ce truc entre les jambes, du coup, je peux pas les croiser de la même manière. Ah bon, on va faire un petit jeu de rôle, on va se boire un coup ensemble. Ah bah tiens, comment je vais m'adresser en tant que mec? Puis de réfléchir, en fait, à tous ces gestes qui sont socialisés, l'éducation du corps dans une direction ou une autre. Et il y avait une jeune femme qui faisait un travail sur cet atelier et puis qui m'a fait un entretien après coup. Mmh. Et elle m'a posé une question, elle m'a dit, est-ce que tu as déjà souffert dans ta vie d'être une femme, du fait d'être une femme, mmh. ou d'être nommée comme femme ? Je dis, ah ben non, pas du tout, j'ai beaucoup de chance. Et en fait, cette question, elle a été un détonateur. Et j'ai commencé à revisiter, en fait, tant d'épisodes, et puis me dire, ah mais là, est-ce que c'était vraiment absent de la situation, le fait que j'étais une femme ou pas. Et voilà, je pense que c'est des prises de conscience. Ouais. Je sais pas, parce que toi, quand tu dis c'était clair d'un coup, tu vois, par rapport à ça, comment c'était pour toi? Bah, c'est marrant parce que moi, je pense, enfin non, c'est pas marrant, j'utilise trop cette expression, mais c'est drôle parce que... C'est pas marrant, c'est drôle. Non, mais cette idée de mère au foyer, en fait, je pense que ça a été un déclencheur aussi pour moi, mais en tant qu'enfant ou jeune ado. Donc moi, je suis née en Suède, à Stockholm, en 88. Et ouais. Mon père, qui est ingénieur informaticien, il a eu un emploi en Suisse, à Genève. Bref, une occasion, mes parents ont décidé de partir. Et en 99... Ta mère, elle travaillait ? Ma mère, elle travaillait. Ma mère a toujours travaillé. Elle est prof de suédois et d'anglais. Et bon, donc, du coup, en 99, on a emménagé. Ma mère a aussi travaillé ici, en fait, dans des écoles internationales. Et puis, il y a aussi une école suédoise, même, à Genève. Elle a tout de suite trouvé du travail ? Elle a tout de suite trouvé du travail. Peut-être encore une question. Le fait, pour elle, de lâcher le job qu'elle avait en Suède, c'était pas un problème pour elle ? Bah, après, on n'en a pas tant discuté que ça... J'avoue que je ne lui ai jamais demandé la question. J'ai jamais posé la question. Bon, il faudrait que je lui pose la question. Oui, absolument. Nécessaire. Mais attends, je reprends pour que ce ne soit pas trop le bordel. Donc, en 99, on est parti. On est venu s'installer. Moi, j'avais 11 ans. Et on est allé s'installer à Berne, qui est donc un peu, disons, les portes de la campagne genevoise. Et bon, alors, pour dire, en Suède, on habitait au centre-ville de Stockholm, et là, tac, on est en campagne, genevoise. Et c'était une pâtée, enfin, c'était des pâtées de maison, il y avait une, je dirais, il y a 10 maisons à peu près là où mes parents habitent, enfin, où on a emménagé, et aucune des femmes travaillait. Donc, c'était tous des familles, il n'y avait que des familles, et. Des familles hétéro. Ouais, tous des familles hétéro et tous avec des enfants, je dirais, entre 0 et 15 ans, peut-être. Aucune des femmes bossait, ce que je m'en rappelle. Et j'étais tellement étonnée parce qu'en Suède, je ne connaissais pas de maman qui reste à la maison. Oh, d'accord. Et je me demandais vraiment, alors, qu'est-ce qu'elles font toute la journée de 1 Bon, après... Puis ma mère aussi, elle en parlait beaucoup parce qu'elle, quand même, elle allait bosser. Puis, maintenant, en fait, quand j'y pense, je pense qu'elle elle a quand même dû ressentir aussi une petite pression par rapport à ça parce que... en Suède, en fait, la place de crèche, elle est garantie. D'accord. Donc, c'est pas du tout comme ici. Et les enfants rentrent pas manger à midi. Donc, de toute façon, quoi que la famille vive... Ouais, on rentre pas à manger à midi, c'est tout à l'école. Ah, ouais, ça fait une énorme différence. Y a des, Mais depuis tout petit ? Depuis tout petit. Waouh ! Et après, il y a des prises, enfin des sortes d'organisations, comment on dit, extrascolaires, parascolaires. Après, donc moi je me rappelle, on finissait l'école peut-être vers 3 heures comme ça, et puis après on allait dans un autre bâtiment. Et là, il y avait voilà, des éducatrices, des monitrices, des moniteurs, des éducateurs. Et puis, souvent, on faisait des sortes de petites excursions dans des parcs en ville où on restait à l'intérieur jouer, mais c'était aussi... Après, il y avait le goûter. Enfin, c'était vraiment une prise en charge comme ça. Ça, c'est classique. Tous les enfants vivent ça. Ouais. Mm-hmm. Bon, après, je sais qu'il y avait des enfants qui rentraient aussi à 3 heures à la maison. Je sais pas ce qu'ils faisaient. Mais bon, je connaissais personne, aucune femme, aucune mère qui restait à la maison pour s'occuper des enfants. Et du coup, c'est vraiment, avec ma mère aussi, je me rappelle qu'on en discutait pas mal de ça parce qu'on était très surprises en fait de toutes ces femmes qui restent à la maison. Et je pense que ça, ça a été un premier éveil, mais juste un sorte de se rendre compte de la différence en fait. Quand même, on identifie ce truc où voilà, c'est pas n'importe qui reste à la maison, ce sont les femmes qui restent. Oui. Et puis après, t'es un peu, moi, je suis aussi une femme. Donc. Donc, c'est quoi, attends, l'idée là, c'est. Ben, je dirais que ça, c'était vraiment un premier réveil et que j'ai gardé cette idée jusqu'à la fin du collège où en fait mon travail de matu, mm-hmm. ça portait justement sur les femmes au foyer. Ah, dis donc, ah oui, ça t'a. Et du coup, j'avais été faire des entretiens avec. Bah, d'ailleurs, avec quelques-unes de mes voisines, génial. Sous la main. Ou. Bah elle t'avançait des arguments de quel type, financier ou... Non, justement, je m'appelle très bien d'une. Bah, parfois, oui, financier, où elle. Certaines disaient que voilà, c'était plus simple. Bon, déjà, il y avait ce truc que c'était plus simple que c'était mm-hmm. moi. Mais après, il y avait aussi des choses comme moi, je gagnais moins. Mais je me rappelle aussi des femmes qui m'ont dit, moi, je gagnais plus. D'accord. Mais c'était clair que c'était à moi de rester à la maison. Donc ça a été, ouais, je pense, vraiment un premier réveil à ce moment-là. Après, ma mère, quand même, donc ma mère qui est prof de suédois, elle lit beaucoup. Notre maison croule sous les bibliothèques et les livres. Et moi, j'ai toujours beaucoup lu aussi depuis gamine. Et voilà, il y a quand même une littérature féministe suédoise où, mmh. où en tout cas ce thème de l'égalité ou de la parité, c'est très présent même dans par exemple des romans, des choses comme ça, et ouais. Du coup je lisais aussi voilà des choses comme ça. Ah, ça, je pense que c'est fondamental, ouais. Comme ou ça, voilà, ça, je me définissais pas du tout féministe à l'époque, mais ça, voilà, ça faisait des étincelles. Et après, donc à la fin de mon bachelor, donc je dirais la dernière année de mon bachelor, j'ai suivi ce cours d'étudiants. Ouais. Et ouais, je pense que là, ça m'a vraiment donné des outils, parce que je trouve, enfin, pour moi en tout cas, il a fallu avoir certains outils et certains savoirs avant de pouvoir me dire féministe, parce qu'en fait, dès que tu te dis féministe, il y a tout un tas de gens qui vont essayer de mm-hmm. te démonter mm-hmm. et de démonter tous tes arguments. Alors, tu as intérêt d'avoir un argumentaire solide et bien. Ouais, qui tient, quoi. Mm-hmm. Et. Bah, je pense, au début, j'en avais pas du tout. J'avais pas ces outils-là et ce savoir, et je tâtonnais un peu. Parfois, je disais, ah, mais moi. Moi, je suis féministe, et ce truc où on me détruisait direct, bah, je me disais un peu, bon, je vais peut-être pas dire que je suis féministe, parce que en fait, c'est super désagréable. Oui. Et ouais, je pense du coup, vraiment, d'entrer après dans ce master d'études genre, ça m'a permis d'avoir non seulement un milieu où poser toutes ces questions et avoir les réponses que je cherchais et que je ne trouvais pas avant, et voilà, d'avoir ces outils et ce savoir, je me répète un peu, mais mm-hmm. qui m'ont permis de pouvoir m'affirmer féministe et de tenir, disons, la lutte et le combat quotidien que c'est quand tu t'affirmes féministe. Parce que mm-hmm. c'est vraiment... j'ai l'impression qu'aujourd'hui, être féministe, ce truc de devoir tout le temps expliquer les choses... Et comme se justifier presque. Hein. Presque se justifier, bah c'est. Ça vient avec, ça fait partie du package, comme ça, mm-hmm. on ne peut pas y échapper. Mais je crois que justement, moi, ma naissance féministe, c'est de prendre conscience que ben, ma situation, elle s'insérait voilà, dans une politique mm-hmm. plus large, dans une histoire mm-hmm. plus large. Et que c'était pas, voilà, c'était pas des anecdotes individuelles, mmh. mais c'était vraiment mmh. des manifestations mmh. d'autre chose. Mais ça, je pense que vraiment la prise de conscience féministe, elle passe par ça, c'est cette prise de conscience, bah, comme tu disais, que voilà, le privé, c'est politique. Ouais. Et Ouais, je pense. Personnellement, vraiment aussi, ce truc de d'avoir une conscience historique du phénomène, c'est vraiment. Je pense que ça a été. Ouais. Révélateur. Bah ça, c'est, ouais, ça, c'est un sacré outil qu'on utilise. Hein. C'est pas tellement de répondre au pourquoi dont on ignore les fondements, mais de dire quand, comment, d'historiciser une situation. Ouais. Ça, c'est un détonateur redoutable, je trouve, justement, pour casser tout ce qui est de l'ordre de « c'est toujours ça, toujours été comme ça, pourquoi remettre en question, c'est la tradition ». Non, suivant les époques, c'est pas la même chose. Mais justement, là, j'ai lu une BD d'une une dessinatrice, enfin une illustratrice canadienne qui s'appelle Mirion Mal, M-A-L-L-E, du coup je sais pas si c'est Mai ou Mal ou Mal. Où elle fait des BD sur la pop culture avec une perspective de genre, enfin, et féministe. Elle décrit cet éveil féministe comme comme la prise de pilule dans Matrix. Est-ce que t'as déjà vu ce film? Ouais. Il y a Morpheus là. Oui. Qui lui propose, il peut prendre soit la pilule rouge, soit la pilule bleue. Maintenant, je ne sais plus laquelle c'est. Et l'une des pilules, quand tu la prends, il n'y a pas de retour en arrière parce que tu vas voir ce que c'est la réalité, tu vas accéder à la matrice. Et une fois que tu as vu, there is no way back. No way back. Et c'est vraiment ça, je me rappelle justement pendant ces cours d'étudiants en bachelor, de vraiment, mais vraiment genre, physiquement avoir aperçu la matrice. Et avoir eu un peu une sorte de moment de nausée comme ça, où tout d'un coup j'étais là, mais attends, en fait il y a une réalité dans la réalité. Ouais. Et qui enfin c'est fou quoi. Et je à la fois, vertige et motivation. En même temps. Vertige et motivation. Ouais, c'est une bonne image. C'est une très bonne image parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de une fois que la lumière est allumée, tu peux plus faire semblant quoi. Et puis ça change tout, enfin tu peux plus regarder la télé comme avant, tu peux plus lire les livres comme avant, tu peux plus parler comme avant, en fait tu vas faire attention aux mots que tu utilises, aux mots que les autres personnes utilisent. Les blagues que tu fais, enfin. Tu fais plus de blagues d'ailleurs parce qu'elles sont tellement. Non, mais il y en a tellement dans ce registre. C'est un ressort humoristique tellement. Ouais, bah d'ailleurs on dit que les féministes n'ont pas d'humour. Voilà. Et puis bon, on fera un autre podcast là-dessus, mais du coup il y a la colère. Ouais. Hein? Comment. C'est tout d'un coup cette colère qui peut être déjà là justement que tu mettais sur un autre plan, puis d'un coup tu dis non mais c'est là-dedans qu'elle se joue, et comment tu la vis, comment tu calmes, parce que tu peux pas être en colère tout le temps. Non. Pourtant, les occasions sont nombreuses. Ouais, mais il y a de la colère, et je trouve qu'il y a vraiment... Il y a tout un éventail aussi de stratégies qui se met en place. Il faut toujours tout expliquer. Et ça demande beaucoup d'énergie, cette lutte au quotidien. Et du coup, il y a aussi une stratégie qui se met en place. Et peut-être pas tout de suite, mais qui finit après par se mettre en place, de choisir quand est-ce que on va argumenter, justifier, expliquer. Et quand est-ce qu'on va s'en aller ou juste clore le débat ou, Bon, des fois, ça tient sur rien. C'est comment tu te sens. Parfois, c'est vrai. Quel niaque t'as à ce moment-là. Des fois, tu te dis non, je vais pas me lancer. Puis à la fin, tu y vas ou l'inverse. Ouais, ou parfois, c'est aussi cette personne, ça vaut pas la peine. En fait, ou ce débat, ça vaut pas la peine. Je pense cette année là, enfin l'année qui est passée là, j'ai beaucoup pensé à ça, parce que c'est aussi savoir est-ce que en tant que féministe, est-ce que t'as le droit de baisser les bras parfois, parce que c'est aussi mal vu dans le milieu féministe de se dire fatiguée de lutter et de pas toujours remonter à cheval pour expliquer, voilà, pour argumenter. Mais ça peut être encore un podcast, de parler des enjeux qu'il y a à l'intérieur des féminismes. Oui. Parce que ça, c'est quand même assez impressionnant. Puis ça, c'est aussi quelque chose qu'on découvre, je pense, aussi à fur et à mesure, où au début, on est là, ouais, tous ensemble. Et puis, après, on se rend compte que... non. Mais en même temps, c'est une bonne nouvelle. Moi, c'est peut-être quand j'ai compris à quel point c'était nuançable et nuancé que je me suis dit, ok, j'y vais. Ouais. Parce que du coup, ça enlève le côté dogmatique. Ouais, ça c'est vrai. Hein? Tu te dis, ah bon, en fait, je peux faire ma sauce, quoi. Je peux... Tu veux dire encore quelque chose? Ah, il y aurait plein de choses à dire. Ouais. On a déjà fait long, là. Ouais. Non? 30 minutes. Ah, c'est notre timing. Ouais, c'est notre timing. Tenons notre temps. Allez. À bientôt. À bientôt. Crépidule, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous revenons dans 2 semaines pour parler de mon séjour à Lisbonne et son festival de cinéma queer, ainsi que de la pièce de théâtre King Kong Girl. Toute bonne quinzaine à vous. Tchuss!